Chapitre 3. Le prophète chez John Ferrier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Jefferson Hope et ses compagnons avaient quitté Salt Lake City. John Ferrier sentait son cœur se briser lorsqu'il pensait au retour du jeune homme qui devait, hélas, être le signal du départ pour sa fille d'adoption. Cependant, la vue de la gaieté et du bonheur de Lucy était le meilleur des arguments pour le réconcilier avec la promesse donnée. Il s'était toujours formellement juré, avec toute l'énergie dont il était capable, que pour rien au monde sa fille n'épouserait un mormon. Une telle union ne lui semblait plus un mariage, mais une honte et un malheur. Quelles que fussent ses idées sur le reste de la doctrine, c'était là un point sur lequel il demeurait intraitable. Mais il lui fallait renfermer soigneusement en lui-même de pareilles pensées, car à cette époque, dans le pays des saints, il était bien dangereux d'exprimer une opinion qui ne fût pas orthodoxe. Oui, c'était dangereux, si dangereux même que les plus pieux osaient à peine échanger à voix basse leurs idées religieuses, de peur qu'une parole tombée de leurs lèvres ne fût mal interprétée et ne leur valût un prompt châtiment. Les victimes étaient maintenant devenues persécuteurs à leur tour, et quels persécuteurs! Ni l'Inquisition de Séville, ni la Sainte-Vème d'Allemagne, ni les sociétés secrètes d'Italie n'avaient, par leurs sombres machinations, étendu sur l'Europe un voile plus terrible que le sombre nuage qui recouvrait l'Utah. Invisible et mystérieuse comme elle était, cette organisation se faisait doublement redouter. Elle paraissait tout savoir, tout pouvoir, et cependant, jamais on ne la voyait, jamais on ne l'entendait se manifester. L'homme qui tentait d'engager la lutte contre l'Église disparaissait un beau jour, et personne ne savait ni où il était, ni ce qu'il était devenu. C'était en vain que sa femme et ses enfants l'attendaient à la maison, jamais plus il ne revenait révéler ce qui s'était passé entre lui et le tribunal secret. Un mot, dit à la légère, un acte inconsidéré, et l'imprudent était supprimé sans que personne pût percer le mystère de cette puissance terrible, suspendu sur la tête de tous. Comment s'étonner que ces hommes, dominés par la terreur, n'osassent, même pas au sein du désert, se murmurer entre eux les doutes qui les oppressaient? Au début, ce pouvoir vague et terrifiant ne s'étendait que sur les révoltés qui, après avoir embrassé la religion des Mormons, voulaient ensuite soit la dénaturer, soit l'abandonner. Bientôt, cependant, le champ des persécutions s'agrandit. Le nombre de femmes adultes avait diminué dans la colonie, et devant une population féminine insuffisante, l'obligation de la polygamie devenait une doctrine stérile. On commença alors à entendre circuler d'étranges rumeurs. On parlait des migrants assassinés, de campements pillés dans des régions où, cependant, les Indiens n'avaient jamais paru. De nouvelles femmes vinrent peupler les harems des anciens, des femmes brisées par la douleur et par les larmes, et sur les traits desquels se reflétaient tous les symptômes d'une horreur inexprimable. Des voyageurs attardés dans les montagnes racontaient qu'ils avaient vu défiler dans les ténèbres, d'un pas furtif et silencieux, des hommes armés et masqués. Ces récits, ces rumeurs, prirent bientôt un corps, et à force d'être confirmés cent fois, firent comprendre ce qui en était. Aujourd'hui encore, dans les fermes solitaires de l'Ouest, parlez de la bande des Danites ou des anges de la vengeance, et ces mots sonneront comme des noms sinistres et de redoutables augures. Lorsqu'on commença à connaître mieux cette organisation, dont les effets étaient si effrayants, la terreur qu'elle inspira ne fit que s'accroître au lieu de diminuer. Personne ne savait quels étaient les membres de cette association implacable. Leur nom, le nombre des auteurs ou des complices des meurtres et des crimes commis au nom de la religion, restait enseveli dans le plus profond mystère. Avait-on un ami? On ne pouvait lui confier ni ses craintes, ni ses appréciations sur le prophète ou sur la mission qu'il s'était donnée, car celui-là même, peut-être, serait le terrible exécuteur des hautes œuvres qui viendrait, dans l'ombre de la nuit, exercer avec le fer et avec le feu la plus effroyable répression. Chacun se défiait de son voisin, et jamais une parole n'était échangée sur ce sujet dont les esprits et les cœurs étaient cependant sans cesse préoccupés. Par une belle matinée, où John Ferrier se préparait à faire sa tournée dans les champs, le loquet de sa grille se mit à grincer et, de la fenêtre, il aperçut un homme entre deux âges, aux cheveux dorés, à la stature imposante, qui s'avançait dans l'allée. Son cœur ne fit qu'un saut dans sa poitrine. Il venait de reconnaître l'illustre Brigham Young lui-même. Plein d'angoisse, car une pareille visite ne pouvait rien présager de bon, le vieillard courut à sa rencontre pour le saluer respectueusement. Mais le grand chef des Mormons ne reçut que froidement cet hommage, et suivit Ferrier dans le salon sans que sa figure se départît de la sévérité la plus rigide. « Frère Ferrier, dit-il en s'asseyant et en laissant filtrer à travers ses cils décolorés un regard perçant, « Frère Ferrier, les vrais croyants se sont, je crois, montrés bons pour vous. Nous vous avons ramassé à moitié mort de faim dans le désert, nous avons partagé notre pain avec vous, nous vous avons conduit sain et sauf dans la vallée d'élection, nous vous avons donné des terres, et nous avons permis d'édifier votre fortune sous notre protection. Tout cela est-il exact ?»« C'est exact, répondit John Ferrier. En retour, qu'avons-nous exigé ? Une seule chose, que vous embrassiez la vraie foi et que vous vous conformiez en tout à nos préceptes. Vous nous l'aviez bien promis et, cependant, si la rumeur publique dit vrai, vous ne l'avez pas fait. Et en quoi ne l'ai-je pas fait ? S'écria Ferrier en levant les bras au ciel. N'ai-je pas versé ma part au fond commun ? Ne suis-je pas allé fidèlement au temple ? N'ai-je pas... Où sont vos femmes ? Interrompit Young en jetant un regard autour de lui. « Faites-les entrer que je puisse les saluer. »« C'est vrai, je ne me suis pas marié, » répondit Ferrier. « Mais le nombre des femmes était restreint, et bien des frères avaient plus de droits que moi pour en demander, puisque je n'étais pas seule. N'avais-je pas, pour m'assister, ma fille avec moi ? C'est de cette fille que je veux vous entretenir, » reprit le chef des Mormons. Elle a cru, en force et en beauté, et elle est devenue la fleur du tas. Plusieurs, et des premiers d'entre nous, ont jeté les yeux sur elle. John Ferrier étouffa un sourd gémissement. Certaines rumeurs courent sur son compte, rumeurs auxquelles je voudrais ne pas ajouter foi. On prétend qu'elle serait promise à un gentil. J'espère que ce n'est là qu'un commérage de l'angoiseuse. Que dit en effet le 13e commandement dans le code du bienheureux John Smith ? Chaque fille de la vraie foi devra devenir l'épouse d'un élu, car si elle choisissait un gentil, elle commettrait le plus grand des péchés. Il est donc impossible que vous, qui appartenez à la vraie foi, vous puissiez consentir à la voir ainsi transgressée par votre fille. John Ferrier ne répondit pas, mais il se mit à tordre nerveusement son fouet de chasse entre ses mains. Voici donc l'occasion de mettre votre foi à l'épreuve. C'est ainsi qu'il en a été décidé dans le conseil sacré des quatre. Votre fille est jeune, et nous ne voulons pas voir cette jeune tête s'unir à des cheveux déjà gris, de même que nous consentons à ce qu'elle puisse, dans une certaine mesure, faire elle-même son choix. Chaque ancien a un troupeau considérable, mais nos enfants doivent également être pourvus. Stangerson et Drebert ont chacun un fils. Au foyer de l'un comme au foyer de l'autre, votre fille sera la bienvenue. Qu'elle choisisse entre les deux. Ils sont jeunes, riches, ils sont de vrais croyants. Quelle est votre réponse ? Ferrier, les sourcils froncés, demeura muet quelques instants. Vous nous accorderez un peu de temps, dit-il enfin. Ma fille est si jeune, c'est à peine si elle a atteint l'âge de se marier. Elle aura un mois pour se décider, prononça Young en se levant. Mais ce temps écoulé, il faudra qu'elle nous donne une réponse. Il était déjà sur le seuil de la porte, lorsque soudain, se retournant, le visage courroucé, les yeux étincelants, si vous et votre fille, Ferrier, tentiez, malgré votre impuissance, de lutter contre la volonté des quatre saints, il vaudrait mieux pour vous que vos ossements fussent en train de blanchir maintenant sur le versant de la Sierra Blanca. Et brandissant sa main dans un geste menaçant, il s'éloigna, faisant crier sous ses pas pesants le gravier de l'allée. Ferrier était resté assis, la tête entre ses mains, se demandant quelle entrée en matière il emploierait vis-à-vis de sa fille, lorsqu'il sentit sur son bras la pression d'une main petite et douce, et levant les yeux, il aperçut Lucie devant lui. Rien qu'à voir sa pâleur et la terreur empreinte sur ses traits, il comprit qu'elle avait tout entendu. « Je ne l'ai pas fait exprès, dit-elle en réponse à son regard, car sa voix résonnait dans toute la maison. « Oh, mon père, mon bon père, qu'allons-nous devenir ?»« Ne te tourmente pas, répondit-il en l'attirant à lui et en caressant de sa main large et rugueuse la blonde chevelure de l'enfant. « Nous trouverons bien un moyen d'en sortir. Tu ne sens pas diminuer la sympathie pour notre voyageur, n'est-il pas vrai ?» Un sanglot, accompagné d'une pression de la main, fut l'unique réponse. « Non, non, je sais bien que non, reprit-il. D'ailleurs, je ne le désire guère. C'est un brave garçon et un bon chrétien, ce que ne sont guère les gens d'ici, malgré toutes leurs simagrées de prières et de sermons. Écoute, il y a demain un convoi qui part pour Nevada. Je vais m'arranger pour lui envoyer un message qui lui fera connaître l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Si je juge bien, ce jeune homme arrivera ici plus rapide que le télégraphe. » À ces mots, Lucie sourit à travers ses larmes. « Quand il sera là, dit-elle, il nous indiquera le meilleur parti à prendre. Mais c'est pour toi que je tremble, mon père chéri. Elles sont si terribles, ces histoires qu'on entend raconter sur ceux qui résistent aux prophètes. Il leur arrive toujours une horrible catastrophe. » « Mais nous n'avons pas encore commencé à lui résister, » répondit le père. « Il sera bien temps de se garer de l'orage lorsque nous en serons là, et nous avons un mois entier devant nous. Il est vrai qu'ensuite il sera peut-être sage de disparaître du beau pays d'Utah. »« Quitter l'Utah ? C'est bien là mon intention. Et la ferme ? Nous allons tâcher de faire rentrer le plus d'argent possible, et nous abandonnerons le reste. À vrai dire, Lucie, ce n'est pas la première fois que je songe à agir ainsi. Je n'aime pas beaucoup à ce qu'on fasse joujou avec moi, comme ce prophète de malheur avec tous les bons hommes d'ici. Je suis, moi, un fils de la libre Amérique, et tout cela me change trop. Ce n'est pas à mon âge qu'on apprend à faire des grimaces, et si ce vieux vient encore rôder par ici, il pourra bien être reçu par une bonne charge de chevrotine. Mais on s'opposera à notre départ, objecta la jeune fille. « Attendons l'arrivée de Jefferson, et nous saurons bien nous en tirer. En attendant, ne te tracasse pas, ma mignonne, et ne rougis pas trop tes yeux, ou sans cela, c'est à moi qu'il s'en prendra. Il n'y a pas grand-chose à redouter, va, et nous ne courons aucun vrai danger. » Malgré l'air rassuré qu'avait pris John Ferrier pour prononcer ces paroles réconfortantes, sa fille ne put s'empêcher de remarquer le soin inusité qu'il mit ce soir-là à verrouiller les portes et l'attention avec laquelle il nettoya d'abord, puis chargea ensuite le vieux fusil de munitions suspendu dans sa chambre.